Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème, en compagnie de moi-même, Frédéric Barbouchy, Antoine Vézina. Salut Fred. Salut Antoine. Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Salut. Salut Jean-Philippe. Et Mathieu Bouillon. Salut. Salut à toi aussi. Salut. Salut. Hey, y a plus de monde, y a plus de public. Non, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vide. On va pouvoir travailler en paix. Vraiment, on va être obligé de se regarder dans les yeux. Ouais. Mais messieurs. De rire nous-mêmes de nos blagues. 2012? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour 2012? Un peu plus professionnel ou plus botché? Moi, je dis professionnel. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pourquoi on devrait peut-être expliquer ce qui est pas de problème à peut-être de nouveaux podophiles. Oh! Mm-hmm. Très professionnel, oui. De ma part. Oui. Alors, Jean-Philippe? Ben, vous avez un problème, nous avons un podcast. Je pense que ça résume bien l'affaire dans cette phrase-là. Si vous avez des problèmes, dites-nous ça, puis nous, on essaie de régler ça d'une manière soit boboche, Mathieu Bouillon, ou sensé, Antoine Vézina. Oh, Mathieu! Hey, ça, ce n'est arrête pas moi, regarde, je parle pendant. Mathieu, tu pourrais te tasser un peu ta fondue au fromage, j'ai de la misère. Donc, comme à chaque podcast, nous avons un problème, mais juste avant, oui. J'aimerais rappeler à tout le monde que nous, on a un problème lequel? Qu'on veut que vous régliez. Oui! Et il s'agit du concours « Changer le monde ». Oui, qui se déroule jusqu'au 20 décembre. Hey, j'avais oublié ça. Jusqu'au 20 décembre 2012. Mm-hmm. Hey. La veille de la fin du monde. Oui, que, ben oui. Tu sais, si on est capable de régler ça avant que ça pète. Brillant. On va ramasser le crédit des autres. Voilà, voilà. Donc, allez sur Facebook. Y a le lien est sur notre page Facebook. Ouais. Profitez-en là, parce que moi, j'ai peur qu'en juillet, cet événement Facebook-là soit plus tranquille, tu sais. Ouais. Comprends-tu, là, il va être populaire. En décembre, attends, il va revenir hot. Non, on va le relancer à chaque semaine. Oui, OK. On veut que ça soit l'événement le plus hot en ville. Pendant un an. Celui avec le plus de commentaires sur Facebook. OK. Un record du monde. Je vais t'aider là-dessus. Je vais commenter. Mais à chaque semaine. Oui. voilà. Donc, l'appel est lancé. Et puis, bon, il n'y a pas encore de prix d'annoncer. Mais, mm-hmm. Hey. Ah non, ça va être gros. J'ai hâte qu'Antoine achète quelque chose. Oh. Oui, je magasine en ce moment. Un livre qui fait la même chose qu'on fait. Hey, un ameublement de chambre idée, de bébé. Chez Tongue. Usagé. OK, on a-tu un problème? Oui, Jean-Philippe. Oui, on en a un qui nous vient d'Éric ici. Et qui est comment expliquer à un collègue de travail et ou autre qu'on n'a pas tant le goût d'être son ami? Mm-hmm. C'est sûr pour nous, les travailleurs autonomes, je parle pour nous trois, mais Mathieu pourrait peut-être nommer des noms, lui, qui travaille dans un bureau. Écoute... C'est peut-être plus simple pour lui de le faire. Moi, je suis ami avec tous les collègues de bureau que j'ai eu de ma vie, sont devenus des âmes sœurs. Vraiment? Tous. C'est pour ça qu'ils changent de bureau. Oui, ils changent souvent, c'est ça. Belle idée. Mais oui, mais pour vrai, dans tous les endroits où j'ai travaillé, j'ai rencontré des gens importants et des belles amitiés. Non, mais comment ces gens-là font pour te dire qu'ils veulent pas vraiment être ton ami? Écoute, ils répondent pas à mes appels, ils me bloquent sur Facebook. Ah, c'est des belles façons de faire. Départ, c'est départ. 20% de nos amis viendraient... de notre milieu de travail. Il continue ça en 2012. C'est intéressant. Et il ne faut pas oublier que, bon, pas comme moi, là, mais la moyenne des gens, c'est 220 jours qu'on passe au travail. C'est beaucoup de temps, ça. Mm-hmm. Et souvent, dans notre travail, on va retrouver des gens de notre âge qui ont fait grosso modo les mêmes études et qui s'intéressent à peu près aux mêmes choses vous aimez votre travail. L'affinité. Nécessairement. Donc, c'est moi normal. Aussi, j'ai retenu des fois. C'est normal que des gens souhaitent peut-être votre amitié. Mm-hmm. Comment refuser? Alors, ça, c'est une bonne question. Oh, ben oui. Mais c'est juste 20%? Oui, parce qu'il dit c'est plus avant le travail que tu vas te faire des amis. Tes amis d'université, de tout ça. On parle, oui, l'école. OK. Les amis des amis. OK. Les amis de ta blonde, des affaires comme ça. C'est ça qui va devenir ami. Sinon, dans tes passe-temps, plus là. Mais écoute, mais quand même, un ami sur cinq viendrait de ton travail. OK. À peu près. Ben oui, c'est fou. Mais doit avoir c'est sûr qu'il y a des jobs où tes amis sont plus proches, là, des bureaux d'avocats, des choses comme ça, des gens qui sont tout le temps ensemble. Ouais. Ne serait-ce que toi, en pub. En publicité, oui, les amitiés sont assez fortes, sincèrement. Il y a beaucoup de parties, beaucoup de. Oui, oui. Ouais, mais est-ce que c'est des vrais amis? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a amis de travail, puis amis. C'est quoi un vrai ami? Ah, voilà. C'est celui qui t'aide à déménager? Ah, je sais pas, hein. Dans Seinfeld, il disait ça. Celui qui t'aide à déménager, qui t'amène à l'aéroport, ça, c'est comme le step... À qui tu prêtes ta clé. Amical, ouais. Moi, c'est quelqu'un que je peux appeler n'importe quand. Mm-hmm. Ouais. Pour faire une niaiserie que je serais pas gêné d'appeler, que je ne planifierais pas d'appeler avant. Tu sais, Ouais, je comprends. Mais t'as plein d'amis, Jean-Philippe. Mais quand même, mais tu sais, d'appeler pour faire... As-tu vu cette affaire-là? C'est donc bien épais ou quoi que ce soit? Ouais. Je sais pas, ça. Voici quelques critères oui. qui ont été partagés. Sur la vraie amitié, mettons. En fait, pour voir si un collègue de travail est un ami de travail ou un vrai ami. Okay. Okay. Des choses qu'on a parlé un petit peu. S'il quitte la compagnie... C'est épuisant. Ça, c'est l'aspect professionnel de l'affaire. Ouais, 2012. Fallait que je le sorte, là. S'il quitte la compagnie... C'est dégueulasse. Ça sortait de sa bouche. S'il quitte la compagnie ou tu quittes la compagnie... non, là, j'en peux plus. Est-ce que vous gardez contact? Ah ouais. Excellente question. S'il quitte la compagnie, est-ce qu'on garde contact? Hein? Avec la personne en question. S'il y a une urgence, tu t'en as parlé, on en a parlé, est-ce que c'est une personne qu'on appellerait? Comme mon char, il roule, les clés sont dedans. C'est ça. Et puis les portes sont barrées. Évidemment. Je glisse, ça fait 15 minutes sur Papineau. Parti de Jean Talon, je suis pas chez vous. Est-ce que vous voyez en dehors du bureau? Oui. Évidemment. Bon, ça, c'est important. Est-ce que si vous vous croisez par hasard à l'épicerie, êtes-vous capable de soutenir une conversation de plus de 10 minutes sans parler du travail? Ou faites-vous semblant de ne pas le voir? Ou... Oui, mais je fais ça avec des vrais amis, moi. Un petit texto. Fais comme tic-tic. Ouais, je regarde mon téléphone, je te croise pas. Ouais. Savez-vous où il vit? Aller chez quelqu'un, je trouve, c'est une grosse étape. Ouais. Je suis d'accord. Tu vas chez quelqu'un, vrai. Non, rentre une minute, t'es fait, mon Dieu, je suis pas bien. Ouais. Ça part mal. Surtout si c'est la nuit. Avez-vous rencontré ces personnes importantes à lui? Sa blonde, ses enfants, ses amis à lui, ses parents. Ouais. Tu sais, des grosses étapes que tu fais. Ah oui, connaissance de la famille, là, un peu. Tu connais l'ami d'un gars au travail, là, tu fais. Non, moi, je suis pas bien là-dedans. Ouais. C'est ça. Des petits critères comme ça à surveiller. Et donc, si tu veux pas devenir ami avec quelqu'un, mais il faut évidemment éviter ces choses-là. Ouais. Mm-hmm. Ah, ben c'est rassurant, vous êtes des vrais amis, ça veut dire, dans ce cas-là, messieurs. Nous tous, entre nous, oui, là, on connaît un peu la famille des autres. On se voit dehors, capable de parler pendant plus de 10 minutes sans parler du travail. Oui. Ben c'est ça. Ouais. Puis urgence, ben c'est arrivé, puis on se le souhaite pas. Fait que ce qui était une job vraiment chiante devient tranquillement. Mais non, mais c'est ça, c'était dans mes solutions, organiser un podcast avec eux, mais. Oui, oui, oui. Pour devenir ami. Pour devenir ami. Puis il veut pas être ami. Non, c'était pour le contraire, tu sais, parce que depuis qu'on a un podcast, on se voit moins, on se voit juste ici. Non, c'est pas vrai. Mais moi, j'ai une solution, c'est cruellement et sans remords. OK. Dire directement. Ouais. Tu fais... Même tu sais, paye-toi un peu, Eric. Mm. Ben, c'est pas la meilleure solution, là. Tu travailles avec la personne, solution, là, imagine. Ouais. Puis là, il y a toute une réputation de t'as de marde. Tu fais de la peine à une personne. Mais tu fais... Écoute, bonhomme, tu m'intéresses pas. T'es loser. Tu vaux pas de la marde. C'est pas parce que t'es mon patron que tu vas devenir mon ami. OK. Mange de la marde. Une autre sors de mon bureau. Mais je te dis ça dans la vie, c'est pas pour la job. Non, dans la vie, mange de la marde. À la job, je suis très heureux. A1. Non, dans une autre façon, faire une grosse soirée avec la personne qui se termine par « J'espère que t'as aimé ta soirée parce que ça arrivera plus jamais. » Ah! Fred, c'est dur. Non, mais, tu sais, à un moment donné... T'es rough. Ouais. T'es rendu là. Non, mais en même temps, tu testes. Tu peux peut-être tester. Là, parce que peut-être que cette personne-là, il a pas envie d'être ami parce que ce qu'il voit jusqu'à maintenant, c'est plate. Oui, c'est vrai. Mais l'autre côté... Comme quand Homer devient ami avec Flanders. Oui, c'est vrai. Oh, c'est une belle amitié, ça. Ouais. Une belle amitié de l'idée. Ça dure pas plus qu'une semaine, par exemple. Ah non, mais c'était le bon drôle. Quand tu mets la cassette à l'envers de musique. Mm. Moi, j'ai, mettons, une autre solution pour, tu sais, mettre ses limites d'amitié au bureau, c'est de ne pas aller à tous les social gatherings qu'organise le bureau, mettons. Ouais, tu sais, moi, je dois dire que, personnellement, c'est quelque chose que je fais, là. Et pas parce que je ne veux pas, mais par la vie, c'est ça, là. Genre, je veux pas tous les parties du monde dans la vie, là. C'est ça, là. Donc, tu montres que ton cœur et tes amitiés ne sont peut-être pas nécessairement qu'au bureau, là, tu sais, que tu as du temps à mettre ailleurs dans ta vie que dans toutes ces parties-là. Oui, c'est ça. Pour faire du chemin là-dessus, de ne pas dîner au bureau aussi, parce que j'ai l'impression que c'est là que tu socialises le plus. Peut-être, c'est vrai. Pause café. C'est ça. Fait que tes vrais amis au bureau vont comprendre. Ouais. Même si t'es pas là, ils vont t'aimer quand même. Oui. Mais les autres, en te voyant moins, vont peut-être t'oublier un peu. Ça, c'est vrai. C'est une bonne affaire. Ouais. Deux semaines de temps, là, aller manger ailleurs. Sinon, il y a peut-être ne jamais parler d'affaires attrayantes que tu fais dans ta vie personnelle au bureau. Tu sais, mettons, genre, mettons, t'es allé dans un chalet avec des amis puis que c'était le fun, ben, t'en parles pas à ces collègues-là que tu ne veux pas qu'ils deviennent tes amis, mettons, là, tu sais. Comme... Ouais, mais là, les gens qui vont vouloir être tes amis, ça va être que du monde poche, là, tu sais. Ah. Ce que tu fais en moi, les chalets, j'aime pas ça, les affaires le fun, le monde fait, hey, comme moi, il va devenir mon ami. Ah, va faire tabarnak. Peut-être. D'école, risque-là. Ouais, ouais. Mais tu sais, dans le fond, c'est comme se rendre pas séduisant socialement, tu sais. Pour eux, pour les gens qui. Quitte à s'inventer une vie sociale plate aussi, le dire, moi, je tripe vraiment sur Liberace. Et les jeux de rôle. Là, t'es coincé, comme... là. Ouais. Ben, ouais. Peut-être inventer une expérience de merde, t'sais, faire, t'sais, se concentrer sur la personne avec qui on n'a pas envie d'être ami, de savoir, t'sais, comme il collectionne les casse-têtes, peu importe, là. Mais tu fais, t'inventes une expérience de merde avec les casse-têtes, puis là, tu le dis un peu au monde alentour, puis ils font, oh, lui, quand il est petit, sa mère est morte avec Un morceau de casse-tête. Oh mon Dieu, je suis la personne qui peut l'aider. Non. Je collectionne les casse-têtes. Non, mais c'est ça. Je vais lui montrer la magie. Dis-y pas, il pourrait péter une coche puis te tuer. Je vais prendre le risque. OK, il va peut-être te tuer. S'arranger pour puer autour de la personne aussi, tu sais. D'ailleurs, c'est pas lui qui nous avait proposé le podcast récemment. Il a beaucoup de problèmes à son travail. Oui, c'est vrai. La madame qui pue. Ah oui. C'est peut-être la même. Ah, oh, c'est drôle, son ça. Prochain, c'est quand même trouver une autre job. Ah oui, j'espère, là. Ah, oui. Essayez d'avoir une promotion. Devenir son patron. Ah oui, changer d'état. Ou s'arranger pour que lui ait une promotion. Ah, c'est sûr, ça change le rapport. Oui, on dit qu'entre échelles, ça marche plus, ça forme. Dès qu'une promotion, t'essaies d'être ton ami, puis il fait « Il veut pas être mon ami pour de vrai. » Ouais, c'est ça. Full bar. Ouais. Peut-être créer un malaise sexuel avec la personne, tu sais, qui mettrait les deux parties donc mal à l'aise, puis ça couperait les ponts un peu, là. Toujours à double tranchant, ça. C'est ça. Peut... C'est comme tu t'assois. Ouais, si ça marche, je sais pas s'il prend l'autobus, mais tu sais, tu t'assois à côté de lui dans l'autobus, tu lui effleures le. La petite la main, testicule. Ouais, mais ça, c'est ton plan, ça, pour qu'ils comprennent. J'ajoute au plan de Mathieu. Oui. Moi, j'embarque pas là-dedans. Il est dans l'autobus, tu vas t'asseoir à côté de lui, puis tu lui caresses la fourche. Non, hey, tu dis, fleurs. Hey, voilà. Hey, non, voyons il sera pas mon ami. C'est comme... fini. Non. Tu accroches la fourche, tu fais, hey, excuse-moi, puis là, mais là, s'il est pas à l'aise, tu lui fais des petits yeux doux. Ouais. S'il est à l'aise, tu fais comme. Ah, tu vomis. Ah. Tu vomis dans la bouche. Mais c'est ça, ouais, excuse-moi, je fais ça à mes meilleurs amis. Ah, oui. Inversement. Je frôle la fourche. Oui. Je vois à l'inverse. OK. Quand il dit, ah, hey, moi, j'adore ça, nanana, toi, tu ah, ouais, moi, j'haïs ça. Ah, oui. Pas pour mourir. Puis il dit, ah, ça, je l'ai-tu trouvé plate, ce film-là? Hein, j'adorais ça. Adoré. Tu connais mon rien. Film préféré. Ouais, quel imbécile. Monsieur Poppers et ses pingouins. C'était parfait comme film. Un film parfait. Puis jaillit les enfants puis le chocolat. Les enfants puis le chocolat. J'ai-tu dit que je les haïssais? Les adore. Je les haïs parce que je les aime trop. Et voilà. Et voilà. Inversement. Histoire de fou. Mais. Ou sinon, tu mets le paquet, t'en profites. Ouais. Tu viens à la maison, me faire mon gazon, les tâches ménagères, les patentes. Oui, au maire. Tu regardes, c'est parti, ça. Là. Regarde, go. Ouais. La personne qui puait, là, il racontait une histoire désagréable par rapport à un ancien ami de job. Là. Il dit, moi, j'étais devenu trop ami avec cette personne-là, mais ça s'est mal fini quand finalement j'ai fait telle affaire. Fait comme ça, on est un très mauvais ami. Là. Mais. Ouais, comment voir disparaître nos amis des fois? Tu sais, quand ils ont une nouvelle job ou, ben là, ils sont à la même job, mais une conjointe, un enfant, un chat, peu importe, il y a quelque chose qui change dans leur vie. Peut-être créer ce changement dans sa vie-là, dans sa vie, pas sa vie-là. Une villa? Tu veux pas être son ami? Mais peut-être lui offrir une villa. Non, mais tu sais... Justement, je pense lui faire trouver l'âme sœur, c'est peut-être la meilleure façon de le voir disparaître. Comme tous nos amis qu'on voit plus après qu'ils ont une blonde. Là. Ouais. À un moment donné, ils reviennent. Là. Ben, une vie, là, tu sais. Ouais. Peut-être une blonde d'un enfant de maison. Ouais. Une vraie job. Un faux email de groupe, là, une histoire comme si tu l'avais reçu de plein d'autres mondes. Une histoire d'horreur au bureau, d'amis, une affaire comme ça que t'envoies à toutes les étages. Fait que cette personne-là va peut-être comprendre. Là. Oui. Mais c'est pas quoi, elle. Une chaîne de lettres. Oui, c'est ça. Une chaîne de lettres. Ouais. Mais que... juste à lui, tu envoies juste à lui. Oui. Puis tu sais, Eric, c'est parce qu'il est smart aussi, tu sais, il veut pas blesser la personne ultimement. C'est ça, c'est comment expliquer. C'est ça son problème. Comment expliquer, ou faire en sorte que l'autre sente qu'elle a le contrôle, là, tu sais, comme. Mais le problème, c'est peut-être justement de vouloir expliquer, parce que, tu sais, des choses de même. Tu sais, dire à quelqu'un. Parce que c'est ça, on peut dire à quelqu'un, je suis pas amoureux de toi, puis on sera jamais un couple. Ouais. Mais dire, je suis pas en amitié avec toi. Ça... Viens pas t'asseoir à côté de moi à la cafétéria. C'est très particulier. Ouais. Hein? Touche-moi pas à fourche. Touche-moi pas à fourche dans l'autobus. Mais tu viendras jamais dans ma villa. Non, c'est ça. Jamais. Mais c'est vrai que. Mais ça, on a envie, là, tu sais, de comme. Ben non, tu peux pas refuser d'être ami à quelqu'un. Ouais. Mais tu peux ignorer d'être ami avec quelqu'un. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est un travail. C'est un travail de tous les jours. Tu peux pas. Mais c'est pas si dur. Tu peux t'asseoir. Malheureusement. Mais est-ce que tu. Il doit y avoir du monde collant, là. Non, mais tu sais, tu le vois venir, tu fais semblant de lire, tu t'occupes, tu parles avec quelqu'un. J'ai l'impression que c'est un mélange de toutes les solutions qu'on a dit. C'est comme un petit pourcentage de faire semblant d'avoir des intérêts autres. Comme tu disais, de pas se présenter à certains endroits. C'est fatigant, tu sais. C'est cultiver une froideur, un peu, dans le fond. Là, c'est d'une manière sournoise, un peu, psychologie inversée. Ouais, t'entends la personne dire qu'elle aime quelque chose au lunch, ben toi, la semaine d'après, tu dis à un autre ami pendant que la personne est à côté, moi, j'haïs ça, cette affaire-là, tu sais, j'ai déjà... Ouais. Mais ça va peut-être juste y donner le goût d'aller te conquérir. Oh. Ouais, tu deviens un peu, je comprends. Puis là, c'est une bonne prémisse de film. Mais... Tu deviens un peu le tueur en série pour une fille. Ouais, c'est ça. Elle adore ça. Elle veut réussir à régler le cas. Ouais. Ses cheveux. Tu sais, parce que des coups de foudre d'amitié, moi, je pense que ça se peut, mais souvent, c'est pas quelque chose qui est à sens unique, là, à moins que la personne soit un peu détraquée. Tu sais, on dirait que c'est vraiment. Des fois, un coup de foudre d'amitié, c'est deux personnes qui. Comme... Ouais. C'est rare quand même. Oui, c'est rare quand même. En même temps. Mais qui deviennent vite. Mais non, mais des coups de foudre d'amitié, je pense, ça se peut. C'est pas si rare que ça. C'est juste que ça dure pas tout le temps, puis on n'en fait pas un plat parce que justement, on s'achète pas de maison avec cette personne-là, non, c'est puis sûr. On commence pas à... Ouais. Fait que tu sais, tu vois quelqu'un pendant un bon bout de temps, puis... Mais... L'amitié se crée, ouais. Mais là, est-ce qu'on peut, est-ce que ça se fait expliquer ça? Moi, je dis que... L'avez-vous déjà fait? Le judo. Le judo? Non, mais tu plies, tu prends sa force. Le roseau? Le roseau. Okay. Tu dis, moi, là, oui, moi, mes grands amis, là, ce que j'apprécie d'eux, là, c'est qu'ils me laissent tranquille. Oh! Mes meilleurs amis, ça se passe dans le silence. C'est là qu'on se comprend le mieux. On t'appelle pas. Des longues périodes de temps. Hey, j'aimerais tellement ça que toi, tu sois cet ami-là. Tu serais mon meilleur ami. En plus, à chaque jour. Alors là, il fait. Tu sais, puis il te fait un petit salut. Discret quand il te voit. Hey, nous, on est amis. Oh, regarde. Il crisse à terre, comme le judo. Comme au judo. Oh, regarde toutes les caves qui parlent au dîner puis au party de Noël. Ils sont pas ses amis, non. Eux. Puis ils leur parlent. Mais moi, ici, seul, dans le noir, c'est moi son meilleur ami. À chaque jour, tu arrives avec un cadeau. Tu te fais un cadeau, là. Puis là, tu dis, ça, c'est un cadeau d'un de mes meilleurs amis. Mm-hmm. À chaque jour. Oh! Il me donne des cadeaux. Encore une montre. Encore une maudite montre. J'en ai plein les arrête, deux bras. Arrête de me donner des montres. Garde ton argent pour m'acheter un plus gros cadeau. À la fin de la semaine. C'est-tu que c'est niaise? Ouais, tu sais, peut-être prendre cet ami-là puis juste lui faire faire des activités où on parle pas. C'est cinéma, yoga show. Ah oui! Personne parle. Natation. Oui. Natation, église. Église. Voir une messe. Ah, des activités d'église. C'est théâtre. Oui, c'est drôle. Retraite en silence. Oui, c'est belle ça. Fin de semaine. Le Kilimanjaro. OK, mais si on pousse... C'est une misère à respirer. Si on pousse, on essaie de répondre exactement au problème d'Éric, qui est comment expliquer... La sincérité et la vérité. T'as pas le choix. Comment expliquer? Tu t'assois avec lui, tu y expliques. Mais non, tu regardes. J'ai déjà trop d'amis. T'es gros, t'es laite. Antoine, ça marche pas, ça. Non? Personne fait ça. Ça, c'est bien. Je l'ai dit deux fois. Personne n'est game de faire ça. Moi, je te dis, l'explication par quelqu'un d'autre, tu sais, le mensonge de fiction. Arriver et dire. Non, mais. Luc, il me gosse. Tu sais, Luc, mettons, qui est un employé à qui on parle pas. il voulait tellement être ami avec moi, tout ça, j'avais de la misère à lui dire comment faire cette affaire-là, tu sais, de pas... Ouais. Que j'ai déjà des amis, tout ça, c'est dur, puis tu dis ça à l'autre. Ça va passer. Je pense que ça va passer, c'est un peu sournois, puis mais... tu t'attaques au plus petit. Ouais. Comment on le fait avec une conquête amoureuse, là, mettons, avec une fille ou un gars, comment on fait pour dire, écoute, c'est pas ça, nous autres? Ben, on fait la même chose avec... Avec une, oui, tu veux dire une déclaration de non-amour. Ouais, c'est peu, ça. Là, ouais. Mmh. Non, mais. Mmh. Ouais. Oui, ça. En même temps, ça... c'est juste très puis c'est drôle, puis mettons, moi, dans ma vie, je suis pas capable d'imaginer une personne à qui j'aurais eu besoin de dire ça. Mais vous non. Puis c'est dur parce que, étant donné que c'est en amitié, on a toujours de la place pour des nouveaux amis. Ouais. C'est pas juste comme toi, tu peux avoir une deuxième blonde, puis faire, tu sais, ah ouais, ok, c'est bon. Ouais, mais non, on peut toffer le 5 minutes de temps en temps de parler avec quelqu'un, puis faire bon, ben. Mais c'est ça, mais là, c'est vraiment que la personne nous gosse. Ça m'énerve un peu, on dirait que ça lui fait plaisir, on s'entorche. Être smart, ça se peut. Hey, je ne sais pas si ça se dit. Moi, je pense que c'est juste le temps qui permet. Ah, le bon vieux T-shirt. Une photo qui a un X dessus ou un... Oui. Ben oui. Ça explique. Non, tu... Oh, OK. Hey, moi, je suis anti-ami. C'est moi le trésor. Oui. Non. Ah, c'est drôle. Une intervention. D'ailleurs, oui. Je partage. Il y avait une dame qui était réceptionniste à l'ancienne agence de pub où j'étais. Puis elle était là juste les vendredis. Son nom était Marie-Joseph. Puis elle nous avait invités à une célébration du Nouvel An chinois chez elle, tu sais. Parce que ça faisait, mettons, 4 semaines qu'elle travaillait là. Fait qu'on l'avait vue comme 4 vendredis, mais tu sais, rapidement, c'est 1 heure de lunch. Fait que là, ou bien si vous voulez, chez moi, je vais célébrer le Nouvel An chinois, tu sais. Fait que là, ah, oh, c'est ça samedi. Ah, merde, je peux pas. T'sais, c'était gênant, là, cette fois-là. Là. Mais là, mais des fois, les gens font comme, tu sais, ils font, c'est ça samedi, ah, je peux pas. Mais des fois, ils sont sur nous, ils vont, hey, qu'est-ce que tu fais samedi? Ben, je sais pas. Ben, j'ai un party. Là, ah, oui, c'est ça. Puis en verre, là. Ça peut être dedans, ouais. Genre, mais la femme qui est sur ton T-shirt avec un X, c'est qui? C'est belle-maman. Ah! Je suppose que si tu as ce problème-là, Eric, c'est Eric, qu'il y a d'autres gens dans le bureau, peut-être, qui le trouvent, qu'elle le trouve un peu lourd, un peu, tu sais, une espèce d'intervention, là. Mm-hmm. En groupe, il y a peut-être moyen de faire quelque chose... Bien cuit. Attendre la sortie de l'émission de Jean-Michel. C'est fait. Cuit, c'est ça. C'est déjà sorti, le premier passé? Oui, je pense que le premier est fait. Ah, pour faire un faux bien cuit à quelqu'un, dire on va jouer à cette émission-là. Puis là, tu l'assois, puis tout le monde est dit, c'est grand. Ben, en chanson. Quel trou de queue. Ça rit, ça marche au bout. C'est ça. Mais probablement que s'il doit l'expliquer, dis-je, c'est probablement parce que cette personne-là est persistante. Ouais. Hey, t'as-tu donné moi ce film-là? Hey, t'as-tu vu ça? Hey, bah, si elle mérite, là, peut-être. Là. Encore une fois, notre podcast, je sais que c'est pas la première fois, mais peut-être aider. Ouais. Hey, écoute, non, ces 3-4 podcasts-là. Podcast. Une. Ah, non, ça, je suis plus capable, le mouchage. Excuse. Mais dis, c'est sûr que s'il écoute ce podcast-là, tu lui demandes d'écouter ça. Ouais, il y a un message. En plus que on nomme Eric, que c'est clairement lui qui écrit, puis tu connais son profil Facebook, puis t'as parlé de pas de problème. Oui. Ouais, ouais, c'est ça là. Ah, mais c'est aussi Facebook qui rentre là-dedans là maintenant. Tu fais, je sais pas, chacun gère son affaire comme il le veut, puis c'est pas tout le monde qui a un Facebook, mais tu fais. Si tu l'acceptes pas sur Facebook, c'est déjà... T'en avais parlé au début? C'est comme... Pourquoi tu m'acceptes pas? Il va peut-être le demander. Genre, regarde, c'est juste mes amis proches. Ouais. Je suis désolé. C'est juste 820 amis proches. Ouais, c'est ça. Que je connais pas tous. Oui, c'est ça. Oui. J'avais une super idée, mais il y a un gars qui se mouche. Je vais expliquer. Peut-être qu'on peut faire une intervention de la personne. Tu peux m'ajouter sur Google Plus? Ah, c'est bon, ouais. Va sur mon MySpace. Je suis plus actif là-dessus. Écoute ma nouvelle tune. Bon, MSN. Mais moi, messieurs, c'est solution préférée, mettons. Je pense que c'est un mélange de toutes ces affaires-là. Ouais. Tu sais, comment expliquer? Je pense que c'est dur d'expliquer parce que personne n'a les nerfs pour faire ça. Puis en même temps, est-ce que tu as tant besoin d'expliquer ça à quelqu'un? C'est non. Sur tout ça? Parce que j'ai l'impression que ça s'attaque vraiment à ce qu'est la personne en soi, tu sais, sa personnalité. Il n'y a pas de situation personnelle où tu peux dire « Hey, j'ai plus besoin d'amis », parce que tu vas toujours faire de la place à quelqu'un avec qui tu as le goût d'être ami. Fait que moi, je pense, l'ignorer un peu, prendre son temps, donner des signes un petit peu de temps en temps, puis je pense que ça va devenir clair avec le temps. Mais moi, je pense que si la personne, justement, tu la respectes, et tu sais, quand même, puis tu fais, moi, j'ai pas envie d'être son ami, mais je vais la respecter, c'est un combat de tous les jours. Tu vas devoir faire c'est comme... C'est ça. Ou tu donnes un grand coup. Ou, comme je reviens à ma solution du début, cruellement et sans remords, c'est comme un diachylon, là. Right off. Cruellement, mais tranquillement, là. Genre... OK, hey, super. Tu savais que demain, c'est déguisé. Là, c'est le seul qui arrive déguisé, par exemple. Ouais, il faut amener... Ah oui, il faut que tu amènes un cadeau cochon au patron. C'est sa fête. Tu sais, des affaires la même, là. Oui, demain, il faut apporter des repas internationaux qui amènent de quoi de super insultant. Ça, ça peut faire mal. Oui. Devenir ami avec ses ennemis. Tu sais, peut-être du monde au bureau qui n'aime pas. C'est ça devient tes super chumins. Tout le monde s'entend bien. Ça, c'est bien. Une bonne solution. Je c'est pas pire, ça, hein? C'est du bullying. Ouais. Non, tu l'écœures pas, mais tu te tiens juste avec du monde qui aime pas, vu qu'il fait bon, ben... Il dit, reviens chez moi, voici l'adresse, arrive, c'est une fausse adresse. Yes! Ou genre... barre à la porte, puis juste rire. De... C'est drôle. Avec tout le monde du bureau. Genre, non, Mathieu, il habite pas ici, tu te déguises. On va venir t'exclure. C'est méchant, là. Mais sinon, moi, ma solution préférée, c'est la villa à Fred. Je vous remercie. Moi aussi, c'est... Lui offrir une villa. Moi, ma solution préférée, c'était définitivement... Voilà. Ça repousserait tout le monde. Ah, il y a un petit filon. Un petit filet, hein? Ouais, voilà. Bon, t'as l'enlevé, ce mouchoir en tissu, là. Et vous, sur Twitter, on a reçu. Y a Alexis Vaillant qui a écrit, lui montrer qu'on est pas appréciable. Photo de soi pendue sur le bureau, odeur nauséabonde, lui dire qu'on bat nos enfants. C'est drôle. Lui dire, hier, j'étais avec tous mes amis. Trop cool! J'aurais pas la place. Je n'aurais pas la place d'en avoir plus dans ma vie. Alors qu'il n'était pas là. Ça, c'est Pierre-Luc. Oui. Du podcast des Trois Bières. Il y a LF Trudel qui écrit, tu lui donnes un collier best friend en spécifiant clairement que tu veux pas de pas vouloir l'autre moitié. Ah, c'est drôle. Donc, merci. Et si vous n'avez des solutions ou vous avez votre solution préférée, allez l'écrire sur notre page Facebook. Et en parlant de nous écrire, écrivez-nous vos commentaires, vos problèmes. Vos problèmes. Mm-hmm. Vos solutions. Par courriel, podproblème@gmail.com, assez Facebook. Oui. Non, vous pouvez écrire aussi sur Facebook, mais écrivez-nous directement si vous êtes gêné, là, comme Banjo Bouchon qui s'est dévoilé. Oui, c'est vrai. Il s'est dévoilé. Et on attend toujours des capsules audio pour vos problèmes. On a déjà Antoine, Kyrion, Couture. 2012, là, on fonce. Oui. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web, Mathieu? T'es maintenant sur Twitter! Oui, je suis sur Twitter. J'essaye, mais je suis pas Mathieu Bouillon, bon, at Mathieu Bouillon. At Mathieu Bouillon. Moi, c'est at Barbouchi. D'ailleurs, merci Sonar en passant. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Les nouveaux locaux de Sonar. Allez sur iTunes, 5 ou rien. Le mot de la fin, Tony? Hey, vous avez un problème, nous avons un podcast.